بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دراستنا في شروط وأداب وفوائد الدعاء. On va continuer inshallah donc sur les conditions et le comportement ainsi que le bienfait des invocations. Et donc la fois dernière, on avait terminé le comportement concernant les invocations. Et on avait dit que le comportement, il y avait ce qu'on a mentionné, le comportement avant l'invocation, ce qui était recommandé de faire avant l'invocation, pendant l'invocation et à la fin, et à la fin de l'invocation. Donc on avait terminé d'évoquer les comportements recommandés méritoires avant l'invocation et aussi les comportements pendant. Pendant l'invocation. Et donc là, lorsqu'on termine l'invocation, il est recommandé d'invoquer Allah Jalla wa Ala par certaines invocations. Comme par exemple, on peut dire, en terminant Ad-Dua, on peut dire par exemple un Dua célèbre qui est même dans le Coran, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Comme cela, ça nous est rapporté de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, lorsqu'il concluait son invocation, alors il invoquait par cette invocation Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire. Wa fi riwaya wa kana idha da'a khatama du'a bi qawli Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina عذاب النار ولذلك قال أنس كان أكثر دعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. C'est pour ça que Anas رضي الله عنه nous dit que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation par laquelle il invoquait le plus, il disait Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Ô Seigneur, atina fid dunya hasana, donne-moi le bien, accorde-moi le bien dans cette vie d'ici-bas et accorde-moi le bien dans l'au-delà et préserve-moi du châtiment du feu. Et donc ça, c'est un dua dont le compagnon Anas ibn Malik nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait. Et donc, il disait ce dua souvent, ô Seigneur, accorde-moi ce qui est bon dans cette vie d'ici-bas et ce qui est bon dans l'au-delà et préserve-moi du feu ou du châtiment du feu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Wal-amr thani. Aussi, la deuxième chose aussi qu'on cite ici, lorsqu'on conclut Ad-Dua, an yakhtima du'a'ahu ba'da ad-du'a as-sabiq bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on conclut Ad-Dua, conclure avec les salutations sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa qad ja'a fi ba'd al-athar 'an as-sahabati annahum kanu يختمون دعاءهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc il est bon aussi lorsqu'on termine, on conclut notre dua de saluer le prophète صلى الله عليه وسلم en faisant les prières sur le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في بعض الآثار, justement, il nous est rapporté selon certains récits remontant jusqu'aux compagnons que les compagnons annahum kanu yakhtimun du'a'ahum bi as-salat 'ala an-nabi, que les compagnons concluaient, terminaient leur invocation en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, comme le fait de dire à la fin de du'a wa salatu wa salam ala rasulillah, ou de dire par exemple wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, par exemple. Et donc de conclure avec les prières et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ça c'est quelque chose de fortement recommandé de conclure de cette manière. Et donc ça fait partie des comportements adoptés lorsqu'on invoque. Donc vous avez pu remarquer et observer qu'on a cité des comportements recommandé méritoire avant la vocation, pendant la vocation et en fin d'invocation lorsqu'on conclut notre invocation. Pour passer au sujet des bienfaits maintenant de la vocation, les bienfaits de l'invocation, puisqu'on a dit que c'était l'étude aussi bien des conditions, aussi bien des comportements et des bienfaits de la vocation. Et pour les invocations, il y a de nombreux bienfaits et profits à travers la vocation. Et donc, justement, ces bienfaits, le da'i, il va les ressentir, ces bienfaits, lorsqu'il invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, et aussi, il trouvera des bienfaits dans sa vie, même dans son futur. Donc, ça aura des conséquences, un impact dans sa vie, c'est-à-dire que les bienfaits de ces invocations-là qu'il fait, il verra les traces de cela et les effets de cela, même dans sa vie. Dans sa vie future. Donc, à travers sa vie, il verra les bienfaits, il observera et remarquera les bienfaits de ses invocations. Et parmi ces bienfaits-là, les bienfaits de l'invocation, Et là, la première chose qu'on peut citer parmi les bienfaits de cette invocation, le fait que le serviteur, avec l'invocation, va se lier à son Seigneur. Il y aura un lien entre lui et son Seigneur. Donc il va, le serviteur, se lier avec son Créateur, celui qui pourvoit sa subsistance. Et il n'y a point de doute que le serviteur, si son cœur se lie, il lie son cœur avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il obtiendra ce qu'on appelle raha. Il obtiendra un repos et une quiétude, une sérénité. Donc, à travers l'invocation, le serviteur va se lier. Il va créer un lien avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les bienfaits, tahqiq al-ubudiyya lillahi azza wa jal. Parmi ces bienfaits aussi, le fait qu'il réalise l'adoration, ce qui nous est demandé. Et commandé comme adoration à vous, Allah, le fait qu'il réalise le culte qu'il doit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ubudiyya. Al-ubudiyya lillahi azza wa jal. C'est pourquoi Allah jalla wa ala nous a donné existence et nous a créés. Wa dhalika anna Allah amara bid-du'a wa idha qama al-'abdu bi hadha al-amr fa huwa mumtathil muti'. Et donc c'est pour cela que si le serviteur accomplit cela, cette adoration, en l'occurrence, Ad-Dua, l'invocation. Et Allah Jalla wa'ala nous a imposé, ordonné de l'invoquer, alors il sera un serviteur soumis à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Wa idha ahmala al-'abd ad-du'a wa farrata fi aw aqalla minhu fala shakka annahu yafutuhu khayrun kathir. Par contre, si le serviteur lui néglige cela, néglige d'invoquer son Seigneur, s'il est négligent à ce niveau-là, dans l'invocation, ou bien il invoque très peu fait la chèque. Il n'y a pas de doute qu'il va perdre un grand bien et manquer un bien immense pour lui. واللجوء إلى الله فأنت أنت وإذا فرطت فعد إلى الطريق المستقيم واسأل الله العون والثبات والاستقامة. Et donc c'est pour ça, si le serviteur veut observer, veut voir, veut constater, il veut connaître le degré qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors فانظر إلى تعلقك بالله عز وجل. Regarde, observe ton lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela à travers les du'as que tu fais. Donc regarde si, par exemple, tu es quelqu'un qui invoque beaucoup ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَكْثَرْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَاللُّجُوءِ إِلَى اللَّهِ فَأَنْتَ مَشَاءَ. Si, par exemple, tu invoques beaucoup, tu multiplies les invocations, et tu te réfugies souvent et abondamment auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des bons signes, c'est des signes de bien. Par contre, si le serviteur, lui, est négligent dans ce domaine-là, dans la vocation, dans le fait de se réfugier, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors fa'oud ila tariq al-mustaqim, alors reviens dans le droit chemin. Et de ce fait, implore Allah l'aide, l'assistance, et la droiture. Et troisième chose qu'on peut citer ici, troisième chose qu'on peut citer, c'est que le da'i lillahi yahsulahu bidu'a'ihi ihda thalath. Le da'i, il va trouver parmi ses bienfaits, lorsqu'il invoque Allah, il aura l'une de ces trois choses. Lorsqu'il invoque Allah, il aura l'une de ces trois choses. Anna da'i lillahi yahsulahu bidu'a'ihi ihda thalath khilal kulliha rafi'a wa kulluha rafi'atun 'aliyah. Et toutes ces trois choses qu'on a citées, ou qu'on va citer plutôt, ce sont des choses qui sont élevées. Donc, quoi qu'il arrive, celui qui invoque Allah parmi les bienfaits, la troisième chose qu'on cite ici, c'est qu'il obtiendra l'une de ces trois choses. Et toutes sont élevées. Toutes sont des grandes choses, des choses immenses. Qala an-nabi sallam, le prophète sallam a dit, Ma min 'abdin yad'u Allah. إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال إما أن يستجيب له دعاءه أو أن يصرف عن أو يصرف عنه من السوء مثله أو يدخر له دعاءه أو يدخر له دعاءه Et là, le prophète Hassan dans un récit nous dit Il n'y a pas un serviteur qui invoque Allah sans qu'Allah Jalla wa Ala lui donne l'une de ces trois choses. L'une de ces trois choses. Soit yastajib lahu du'a, soit il exauce. Il exauce sa demande. Soit il exauce sa demande. Ou yasrif anhu min as-su' mithla. Ou bien, deuxièmement, il écarte d'un mal. Il écarte d'un mal. C'est-à-dire, mithlahu, d'un mal équivalent. Donc il va l'écarter, le protéger, le préserver d'un mal équivalent. Ou troisièmement, yaddakhir lahu du'a. Ou troisièmement, il lui réserve cela auprès de lui. Donc Allah Jalla wa Ala lui réserve ce qu'il a demandé auprès de lui. Donc ça, c'est trois choses. Donc celui qui invoque, quoi qu'il arrive, il aura l'une de ces trois choses. Comme nous dit le prophète Sam dans un hadith. وجاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر وأطيب Et donc les compagnons ils ont dit au messager d'Allah ils donnent au messager d'Allah alors on doit multiplier on doit abonder on doit abonder et le prophète en salam les informa leur répondit sa réponse fut dans le sens qu'il faut justement faire cela car Allah mérite mieux que cela, Allah est mieux que cela, subhanahu wa ta'ala. On parle à part de salaf, c'est pour ça que certains pieux prédécesseurs disaient « La wadadna an Allah addakhara lana jami'a du'a'ana li yawmiddin » Certains pieux prédécesseurs et ancêtres disaient « On aurait aimé qu'Allah Jalla wa Ala réserve pour nous toutes nos invocations qu'on a faites pour le jour dernier. » On aimerait qu'Allah réserve pour nous toutes nos invocations pour le jour dernier. Donc, la personne qui invoque, quoi qu'il arrive, il a trois choses. Le résultat de l'invocation, il obtient trois choses. Soit Allah yastajib lahu du'a'a, il exauce sa demande. Ou yasrif anhu min as-su' mithlahu. Ou bien il écarte, il le préserve d'un mal équivalent. Ou yaddakhir lahu du'a'a. Ou bien il réserve son invocation près de lui. Il trouvera cela auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc quoi qu'il arrive, celui qui invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, est toujours gagnant, et Allah lui donnera, subhanahu wa ta'ala. Et on avait déjà expliqué cela dans une assise précédente. Et comme cela, on a achevé, on a terminé notre étude concernant les conditions et les comportements et les bienfaits de l'invocation. Et vous pouvez vous référer à d'autres livres, vous pourrez vous référer à des écrits de savants, ou à des conférences ou à des cours, des rappels donnés par d'éminents et illustres savants qui ont détaillé tous ces points, qui ont détaillé tous ces points. Donc nous, ce qu'on a évoqué et ce qu'on a étudié, ça nous ouvre les portes justement pour ceux ensuite qui veulent approfondir leurs connaissances. Et c'est ensuite qu'ils veulent rechercher dans certains sujets. Par exemple, le dernier hadith qu'on a cité, pour celui qui demande, il obtiendra, celui qui invoque Allah, il obtiendra l'une de ces trois choses. Le croyant ensuite, le musulman, peut ensuite approfondir ses recherches et rechercher les commentaires, puisque les savants aussi ont commenté, ont expliqué, ont détaillé ces hadiths et ses récits. Donc ça, c'est cette étude-là ouvre la porte justement pour celui qui ensuite qui veut s'approfondir. Sinon, on a cité d'une manière générale des points très importants concernant la vocation, avec les preuves à l'appui, avec les preuves à l'appui, wa bihad al-qadr kifaya, et cela, wa lillahi al-hamd, avec la louange d'Allah, cela est suffisant. Enfin, nahmad Allah. On remercie Allah qui nous a permis d'étudier ce sujet-là, cette risale-là et cette épître-là, d'étudier ce sujet et cette adoration qui est l'invocation avec ses conditions, son comportement, ses bienfaits. جل وعلا الذي وفقنا لدراسة هذا الموضوع ولدراسة شروط وآداب وفوائد الدعاء ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا نسأل الله أن يستجيب لنا دعاءنا جميعا وبالله التوفيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك